Le choix du bois est extrêmement difficile. Il faut extrêmement, extrêmement rigoureux, je veux dire. Parce que le bois doit être maillé, doit être absolument de fil, doit être exempt de tout nœud, de toute chose où la fibre viendrait à tourner de côté ou n'être pas rectiligne. Alors il faut des fibres très, tout à fait rectilignes, des mailles tout à fait belles. Enfin bref, il faut un bois impeccable. Ah oui. Impeccable.